Anne, tu sais, la femme est sans défense, mais non pas sans attaque. La femme vertueuse, Maman Ado, Maman Marie-Claire, Docteur Rose, Commandant Jacques Welangila, Bipierre Walelo, Hugues Toto. Comprendre un gaïe, ce qui n'a coquille, mon mosika, ma cassianzo, tu es si lié, n'a commis penina, kouya, na fossé, limbi sangadado. Comprendre un gaïe, na simbi singara, ma cassianzo, tu es si lié, n'a commis penina, kouya, na libulu, limbi sangere. Et balance en danger, sable mouvant et amakanissier pour n'y a pas la qui s'abat mon mouvement. Tina Kimoro, Tazoa. L'expérience compte quoi? Maman, il y a un sincère, on a beaucoup de subconscient. Et qu'on vient à yon, n'a la qui de cotol. N'est la longue, la poison tient à ma pimoua. Promesse tout coûte me sale ma terre. Na boutou na moko na ndako. Ba cauchemar, na na mona kase lili na yo dado. Atek ma kanaka bo pensa ete na pouvoir chez Benya mama. Mon lati kiria, ameni boli mola ye. Mote bota me kele lambe to peli bele re. Misere. Kanda. Ne t'en va pas Dado, chérie. Ne me quitte pas, chérie. Et t'enaliwa et la singaye. Dado Clément Niembwe. Pardon. Jonathan Décor, Rigo Mambay. Oh, yéba qui n'a bien. Mais la salaka se remplisse. Moligui n'azoka. Oye baso ki na sali capable kolinga oyo tentation. Ton filement. Oye ba ki ya. Na sala ka se remplisse. Moligui n'azoka. Oye baso ki na sali capable kolinga oyo tentation. Mari Gonyembwe. Bongo la moli mo ya peto lo mo la molili. Obika bongo biso mo konde to luka kana mokili. Nanyo kwani. Fosse que commandant. Sanga molonga linda mena katia molino. Nga meme la yo na mokili na luki mala mingi mena kokite. Nga pate la yo. Nga ifani. Oye pekia. Docteur Willy Mbembe. Nga zala kasa wanfi. Molingi nga zoka afu. Oye baso ki na zali kapabla kolinga. Oyo tentation. Docteur Oteng. Oye pekino. Bien la sala casseur en crise molingi nganzo kapo oye baso ki na sali capable kolinga oyo tentation chileri baseli mola molimo ya petolo mwana molili obika bumbu biso mokonde toluka kana mokili na nyokwami ngai fani benge kandolo. Besanga molonga nizambe la katia molimo. Jean-Paul Watt. Mamela yo na mokili na luki mbala mingi mena kokite. Nga pate na yo nga ifani. Ema Katumbay. Embali mono kade. Wali Tapeta. Yo bibabula. Embali mono kade. Kena sakia. Chika planta. Embali mono kade. Rani anisie. Ale soudi. Embali mono kade. Zola, embali mono kade, kadiaya, Riki memba, embali mono kade, kadiaya, Jimmy Kosie, embali mono kade, Remi Silasio, kadiaya, Vie Mangwetue, soliste de plaisir. Valentina.